Laisse passer la voiture de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois allumer les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D.